بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا بالأمس حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. On a vu hier le hadith très connu de العرباض ibn Sariya. C'est un hadith très important. وكذلك هو من الأحاديث الدالة على أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع. Et ce hadith fait partie des hadiths qui montrent l'importance de s'accrocher à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et le fait de délaisser l'innovation. Ensuite, le hadith 89, l'auteur qui nous dit rahimahullah wa li muslim عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ. Et donc, selon Muslim, donc rapporté par Muslim, selon Jabir, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Amma ba'd ». Ceci dit, certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les innovations, sont les inventions, et toute innovation est un égarement. هذا الحديث أيها الإخوة في معنى الحديث السابق. Ce hadith a la même signification, le même sens que le hadith précédent, le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiallahu anhu. وقد تكلمنا أيها الإخوة عن خطر البدع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التحذير من البدع أمام أصحابه. Et donc on a parlé hier du danger de l'innovation. On a vu précédemment que l'innovation divise les musulmans. Et certes ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait souvent en garde contre l'innovation, il faisait cela devant ses compagnons, alors qu'il n'y avait pas d'innovateur parmi ses compagnons. Il n'y avait pas d'innovateur. Meta kana yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadha al-kalam. Quand est-ce qu'il disait cela? Yawm al-jumu'ah. Yawm al-jumu'ah. Après Khatbatul Hajjah, il le disait devant ses compagnons. Est-ce qu'il y avait un mubtadi' fi ashabi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait-il un seul innovateur parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Wa ma dhalika kana yukarrir. Et malgré cela, il le répétait. Pourquoi? Li khatar hadhihi al-bid'ah. À cause des dangers qu'il y a dans cette innovation. Et donc lorsqu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam fa inna khayr al-hadith kitabullah, certes la meilleure des paroles est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal qui nous dit dans son livre wa man asdaqu min Allah haditha, qui est plus véridique qu'Allah dans la parole, qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre la meilleure des paroles. Hadha ayyuha al-ikhwa yanbaghi lana an naqulahu wa na'taqidahu. Yajibu alayna. Oh cher frère, ça il est obligatoire qu'on le dise et qu'on ait la croyance, qu'on ait la foi en cela. C'est pas seulement on dit, on entend Yawm al-Jumu'ah, Nam, c'est vrai, la meilleure des paroles est la parole d'Allah. Mais derrière, lorsqu'on a une fitna, lorsqu'on a Qala Allah, tabaraka wa ta'ala, qui s'oppose à notre passion, on reste là accroché à la passion comme ça. Taïb, c'est pas toi qui disais avant, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Pourquoi est-ce que maintenant tu t'accroches à Shir Foulen ou Shir Hélène? Parce que ça t'arrange. Et donc c'est important, chers frères, qu'on applique cela. Il ne suffit pas de le dire. Comme on l'a déjà dit, la salafia, c'est pas dire « je suis salafi ». C'est pas ça la salafia. C'est l'appliquer. C'est l'appliquer. Appliquer le Coran et la Sunna. C'est ça. Il ne suffit pas de dire « oui, j'aime la Sunna ». J'aime le Coran. طيب هل تجد واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إنه لا يحب القرآن والسنة؟ Est-ce que tu trouves une seule personne dans la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit qu'il n'aime pas le Coran et la Sunna? Ah, tu trouves pas. Mais par contre, le problème il est où? Dans l'application. Oui, on aime le Coran et la Sunna. Taïb et tadbiq, l'application. C'est là qu'il est le problème. Et c'est là qu'on distingue ceux qui sont sincères et véridiques et les autres. C'est dans l'application. Et lorsqu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, les jeunes, ils l'entendent, Yawm al-Jumu'a, ils l'entendent. Mais, malheureusement, subhanallah, beaucoup de nos jeunes, ils préfèrent quoi? La mode. La mode. L'influence qu'il y a autour de nous. Les gens vont suivre la mode des joueurs de foot, la mode des chanteurs, la mode des stars, la mode de si. Tu leur dis, Taïb, la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, khairul hadi, la meilleure des guidées. Naam, oui. Taïb, et tadbir, l'application. L'application. Et même chose pour nos frères qui ont connu la sunna, alhamdoulilah. La même chose lorsqu'il y a une épreuve qui vient et qu'on a ce qu'on aime qui contredit la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à quoi tu es accroché. Est-ce que tu arrives à délaisser cette chose à laquelle tu es accroché? Ça, c'est important, mon cher frère. On l'a vu dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Kana yahuthu kulla man aslama ala al-hijra. » Il poussait tous ceux qui s'étaient convertis, il les appelait à la hijra. Les gens vont me dire, Abdelkarim, subhanallah, chaque semaine, il faut qu'il nous parle de hijra. Chaque semaine, lazim, il y a un jour ou deux, lazim, il y a la hijra fi durus. Ça, naam, lazim. Nattakhidouha adatan. Et donc, on prend ça comme habitude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il poussait les gens à cela. Il les poussait à la hijra. À délaisser notre passion, on est accroché à ça. Accroché à ce confort qu'on a. Utruk hada. Délaisse ça. Ou anta ta'rif anna hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrun laka min hadhihi ad-dunya. Tu sais très bien que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure pour toi que ce bas monde. Alors bismillah, va préserver ta religion, c'est beaucoup mieux pour toi. Wa kadhalika fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Les pires des choses, ce sont les inventions. Les inventions. Ayyuha al-ikhwa, hadha fihi raddun ala kulli man yukhaffifu min sha'n al-bid'ah. Il y a en cela une réplique à tous ceux qui vont diminuer le danger de l'innovation, qui ne vont pas accorder d'importance à ce sujet. Et que lorsqu'on leur dit « Attention, c'est une bida », ils se moquent de nous, ils nous font « Ah, antum, ashab bida, bida, bida, bida. » C'est vous, ashab bida, bida, bida. Tous chez vous, c'est bida, etc. Ils se moquent de nous. Ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est les pires des choses. « Ayyuha an-nas, yajibu alayna an-nahdhar. » فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. Allah تبارك وتعالى, il pardonne tous les péchés. ولكن الشرك, cependant le polythéisme, لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة. Le polythéisme, Allah تبارك وتعالى ne le pardonne qu'avec le repentir. سواء أن كان شركا أكبر أو أصغر, qu'il soit le polythéisme majeur ou mineur. وبعد ذلك مباشرة البدع. Et après le polythéisme, on a les innovations avant les péchés. Avant les grands péchés, les frères. Avant les grands péchés. Pourquoi ? هل تجد زانيا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعله أو يعلم أنه يعصي الله. Est-ce que tu trouves un fornicateur qui cherche à se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec son acte? Ou alors il sait pertinemment qu'il désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Il sait qu'il désobéit. Wa kadhalika sharibul khamr. Même chose pour celui qui boit de l'alcool. Il sait qu'il est dans le péché. Et c'est pour cela que tu les vois à chaque fois, Inch'Allah, Inch'Allah, on va changer, Inch'Allah, bi'idhnillah. Après il y a l'ambiguïté, oui mais on a peur d'aller à la salle, d'aller à la mosquée et de continuer nos péchés, et donc on continue nos péchés, Mais au final, ils sont dans une ambiguïté certes, mais ils savent qu'ils sont dans le faux. Amma al-bida, les frères, al-bida. المبتدئ قد يقتل أمه وهو يظن إنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. Le mubtadi' il peut tuer sa mère en pensant qu'il se rapproche d'Allah تبارك وتعالى. Comme c'était passé aux infos concernant un khariji, hein? Concernant un khariji de Daesh, que sa mère, elle voulait lui dire, viens, on fuit, on part de la Syrie, etc., etc. Et lui, il est allé faire quoi ? Il est allé dénoncer sa propre mère, donc, aux responsables de Daesh. Et ensuite, lorsque les responsables de Daesh, ils voulaient exécuter sa mère, il leur a dit, non, Ana atawala amra. Je m'occupe de son cas. Il pense qu'il se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Va lui expliquer à celui-là que c'est un péché qu'il est en train de faire. Va lui expliquer. Al-Mubtadi', il pense qu'il se rapproche d'Allah, les frères. La bid'a, l'innovation, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Il boycotte son frère, boycotte sa mère, ses parents. Et il te dit, Nam, ana al-haq, sahib sunnah. Est-ce que vous vous rappelez d'Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a tué Ali, radiallahu anhu. Il tue l'époux de la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tué l'époux de la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en le tuant, il dit, Khud, tiens, inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Laysa laka wa li ashabik. Il n'appartient pas à toi ni à tes compagnons. Il pense qu'il se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il s'est fait arrêter, ils lui ont dit, est-ce que tu as une dernière volonté? Il a dit, na'am, oui. Je voudrais que le dernier membre de mon corps qui soit coupé soit ma langue. Hatta abqa lillahi dhakiran. Jusqu'à ce que je fasse le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il pense qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala avec son acte. Et donc, oh cher frère, là cet homme, ça c'est un exemple, il a tué quelqu'un dont le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Il a tué une personne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment. Ali radiallahu anhu. Tout ça pour vous montrer le danger de ces innovations. Et donc il faut qu'on fasse attention, mon cher frère, lorsqu'on vous dit ihdharu min jama'at fulaniya, méfiez-vous de tel groupe, méfiez-vous de tel groupe. C'est pas pour nous. Moi, je gagne pas plus d'argent, je mange pas plus, j'ai pas plus d'enfants lorsque je vous dis ça. C'est pour votre bien, les frères. C'est pour votre bien, pour que vous puissiez préserver votre religion. Lorsqu'on dit à des gens « Ihdharu min jama'at al-ikhwan al-muslimin », ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. « Wa ta'ti bi akhta'ihim wa bida'ihim wa wa wa wa » Non, non, non, non, non. Non. « Ma'dhurun » Ils sont excusés. Et même chose pour les autres jama'at. Et donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on cherche à préserver notre religion de toutes ces innovations. Oh, cher frère, barakallahu fikoum. Wa ma ajmala ma qalahu l'imam Malik, rahimahullah. Quelle belle parole a prononcé l'imam Malik. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ces paroles-là qu'on trouve chez l'imam Malik, rahimahullah. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de nos frères qui viennent de pays qui sont accrochés à l'imam Malik. Ça, beaucoup. Que ça soit au Maghreb ou en Afrique noire ou d'autres pays, il y en a beaucoup, ils te disent, le madhab chez nous, c'est l'imam Malik. Tu dis, ok, le madhab chez l'imam Malik. Akid, t'es sûr ? Oui, tayyib. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, « Man ibtada fil islam bid'atan » يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui innove dans l'islam, celui qui pratique une innovation dont il pense que celle-ci est bonne, alors celui-ci aura prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la prophétie, a trahi le message qu'il a transmis. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَيْسَ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui n'était pas avant, à cette époque-là, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'était pas de la religion, ne fait pas partie aujourd'hui de la religion. C'est pour ça que tu demandes à tout innovateur, les gens qui viennent avec leurs innovations, tu demandes, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, est-ce qu'il a dit? C'est important ça. Ce qui n'était pas, qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, aujourd'hui il ne fait pas partie de la religion. Et ensuite il a récité la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, El yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété votre religion. D'accord ? Et donc c'est important, chers frères, qu'on s'éloigne des innovations. Wa ba'dun nas. Certaines personnes, ils vont s'accrocher à certaines paroles de certains savants. Ils vont s'accrocher à certaines paroles de certains savants. فَهَؤُلَا يَتَمَسَّكُونَ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ. Ces gens-là, ils s'accrochent à des toiles d'araignée. Ils veulent chercher des preuves. Ah, j'ai ça, j'ai... Non. Il faut que je trouve une preuve pour m'accrocher. Il faut que je trouve. Quelle preuve ils viennent, ils te disent « Naam walakin qala al-imam an-Nawawi ». Sahih. Al-Hafiz an-Nawawi, rahimahullah, fi kutubihi, ka sahih muslim, yakulu inna al-bid'a fiha hasana wa sayyi'a wa al-bid'a tanqasimu ila aqsam. Al-Hafiz an-Nawawi dit dans son charh de Sahih Muslim qu'il y a plusieurs types de bid'a. Il y a des bid'a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises, il y a des bid'a qui sont muharrama, qui sont interdites, il y a des bid'a qui sont mustahabba, recommandées, il y a des bid'a qui sont makruha, qui sont détestables, etc., etc. Ça c'est Al-Hafiz an-Nawawi qui dit cela. Il y a aussi d'autres savants qui l'ont dit. Ils sont peu nombreux, mais il y en a qui l'ont dit. Et donc les gens, ils vont s'accrocher aux paroles de ces savants-là, comme le font les gens à notre époque. Vous savez, lorsque tu leur dis « Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'usure. Il a interdit le riba. » Ils vont te dire « Oui, oui, mais attention, il y a l'alim al-fulani, il a dit. » Tu lui dis « Qala Allah ta'ala, Allah, il a dit, ouais, je sais, mais il y a un savant, il a dit halal. » Et un savant, il a dit, si tu vas à la banque et que c'est parce que tu as besoin d'un logement, parce qu'on ne va pas rester dehors et tout, alors on peut faire riba et tout, c'est permis. Les darura, yani. Et donc les gens vont chercher des avis qui confortent leur passion. Ben là, c'est la même chose. C'est la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous dit, à la fin du hadith, « Wa kullu bid'atin dalala. » Toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Hadha am, ça c'est général. Toute innovation, il n'y a pas d'exception. Ces personnes-là qui nous disent qu'il y a des bid'a qui sont hasanan, qulu lahum hatu fi nusus ash-shari'a istithna'an wahidan. Venez avec les textes de la législation, venez avec des textes qui nous montrent une seule exception. Le prophète, il nous a dit « Kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. » Ça s'arrête là. Est-ce que tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Naam, alors applique. Est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prévaut ou la parole des autres ? C'est la parole du prophète. Ok, alors applique. On a vu précédemment l'importance de faire prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le moment. Il faut l'appliquer. Et cette parole de l'imam Malik, rahimahullah, elle réplique aussi à cette ambiguïté. À ces personnes, donc la personne qui prétend qu'il y a dans l'islam des bonnes innovations, alors cette personne-là prétend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a trahi le message. Comment ça, il a trahi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça pour finir? Comment ça, la personne qui prétend qu'une innovation est bonne, alors cette personne-là prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi. Non, on a pas de Allah, il dit qu'il a pas racheté la religion. Et donc c'est fini. Donc c'est fini, tout a été dit. Toute la religion a été expliquée. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu viens avec un acte qui n'était pas dans l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens avec ça, en nous disant que c'est une bonne bida, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message. Tu prétends à ce moment-là que toi, tu connais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas. Ça, c'est une possibilité. Tu vas dire non, je prétends pas que je connais plus que lui. À ce moment-là, tu as une deuxième possibilité, c'est il connaissait, mais il a trahi, il a caché. Tu as deux possibilités, les deux, elles sont mauvaises. Et il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est dire « Astaghfirullah wa atubu ilayhi ». Et tu reviens vers la vérité, le fait de délaisser les innovations. Wa sallallahu wa sallama ala nabihina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.